l'adjoint ou manette, les manettes à l'adjoint, chemin, chemin, chemin, yo, plus baisser le bise, balle ici passant, ouais. En bas ici on baisse le son, ouais. On bat les zoos, 1-3-4-0-0, Yas le loup, Diego, la fleur, Richefort, écoute, Et parlons peu, j'ai pas envie de souper ce soir. Et ça rend fou comme à chaque fois que je lâche un couplet sale. Et zinc 6 juin, tu me trouveras dans la street après 5-6 juin. À pair à mes galères avec mes frères, mes chiens si loin. Et ouais, je suis bien, je continue parce que je vois que ça plaît. Le soir, je le fais, je continue tant que j'ai pas les doigts à casser. Je me dois de placer des cases dédiées à tous mes mal rasés, les dents cassées, les gens fâchés qui cassent des filles. C'est crapuleux, hein. Nique la douce France, beaucoup souffrent en silence. Laisse-moi que je prenne parti pour eux, hein. J'ai vu des trucs de fou, de mes propres yeux, moi. 2010-2011, les frères partent mais ne reviennent pas. Et c'est comme ça, les yeux gonflés, les jeux sont faits. Et les faits sont là, plus y'a pas que ça. Marre de voir les rondas aux baumettes humides, parce que leurs fils font des allers-retours aux baumettes et à l'huile. Ouais, aux baumettes et à l'huile. Tranquille, tranquille, moucheron là, t'en as assez dit là. Non, non, non, gros, sous ma mère ils ont pas compris. Va falloir que je leur explique bien. Ouais, mais tu vas te tuer là. Ouais, mais on a trop perdu temps, gros. Aux dernières news, les jeunes vont mal, y'a pas de travail, ça pue l'angoisse. T'as vu ta tranche, y'a l'embauche, y'a rien en poche, ça pue la poisse. T'as la dalle, tu vis à balle, la malchance, ça tu la croises. Elle traîne de longue en bas de chez toi avec Chétan et son ardoise. T'accumules les péchés, fume l'herbe séchée. La CC a pris ta jeunesse, la fessée, ouais, ça me fait chier. J'écris des textes qui vexent, pas gay, ouais. Ils savent qu'on rame et ils nous vannent, ils nous disent, ouais, pas gayer, ouais, balayer. Seul choix qu'ils laissent à ta mère, c'est fils de traître. On garde la foi, mais comment éviter les prises de tête? Je maîtrise les lettres, méprise ces mecs qui disent en toute franchise qu'ils maîtrisent notre planète. Stop, je t'arrête, reviens dans le monde réel. Les gosses crèvent de faim, pas très loin, juste au bout de la ruelle. Putain, juste au bout de la ruelle. Ouais, tes gosses crèvent de faim, pas très loin, juste au bout de la ruelle. Ils gagnent des millions, ils donnent rien à ceux qui ont faim, c'est réel. Ouais, tes gosses crèvent de faim, pas très loin de la ruelle. Ils gagnent des millions, ils donnent rien à ceux qui ont faim. Chez nous ça galère à mort, gars, la galère m'aborde. Fada, ma mère a marre de me voir me marrer, a marre de me voir me barrer le soir, de me voir me canner au zik. Tous les soirs pour oublier, je dois me calmer au shit. Yo, j'ai mal et où je vis, on a la dalle et je vous le dis, on va tout prendre, rien à perdre. C'est pour les rois de l'escroquerie, pour ceux qui vendent des lamelles, prennent des grosses peines, gèrent les transacts, la patate. Donc les gofas qui l'emmènent, ici on respecte les vrais. Reste, reste, ok, ceux qui testent, on les baise, on les blesse, laisse de côté. Tu restes bête, bête, broté, y'a ceux qui pètent, pètent des bouteilles. Ceux qui s'endettent, tête à l'hôtel, ceux qui regrettent, crètent leur orgueil. Bouze, baise le bise, en direct tes oreilles. Pour tous mes frères, des blocs, les bâtiments nous cachent le soleil. En bas de chez moi, les châtiments se relayent. Le monde va mal et ils disent que c'est dû aux agissements de mes frères. C'est juste le résultat du système dans lequel on vit. C'est juste le début de la fin de ceux qu'ils ont construit. Et yo, j'kick, impoli, kick, en folie. Ma technique, nique, impossible d'oublier, nique la police. Ton équipe trip m'applaudit, j'big up ta street trim aussi. On se fait du mal à croire qu'on est des types de cheap masochistes, sado. Pendant que les ados se calment au shit, abdos pompe traction. Pendant que les gueuches calment au choc, eux se cachent au chaud, eux cachent au tiers, eux cachent le pieu. Eux c'est eux qui charbonnent en soum soum, fais pas chauffer. Eux serrent des gis, eux pénétrisent. Pendant que je fais des disques pour 252, eux prennent des risques. Faut que le pen avec eux, eux c'est nous, donc j'insiste. Faut que le pen ainsi que sa descendance de raciste. Et là j'insiste, faut que le pen ainsi que sa descendance de raciste.